Chapitre 3e. Madame de Noyant ramena bientôt à Paris Mademoiselle d'Aubigné. Elle la conduisit dans ses sociétés ordinaires, soit pour la former, soit pour la produire et lui procurer une position sortable. Mademoiselle d'Aubigné avait une physionomie extrêmement distinguée qui attirait partout l'attention. Elle avait déjà une réserve et une dignité naturelle qui protégeaient son âge et sa beauté, et forçaient tout le monde à la réserve et au respect. Les malheurs de sa famille, les vicissitudes de sa vie à peine commencée et l'incertitude de son avenir avaient hâté pour elle le temps de la maturité et de la réflexion, y avaient jeté comme une teinte de gravité sur sa jeunesse, qui y trouvait une défense de plus. Elle semblait ignorer tous ses avantages extérieurs et ne paraissait occupée que de son chagrin. Elle parlait peu, mais assez pour que sa raison précoce frappât tous ceux qui l'approchaient, intéressé déjà par ce qu'on savait de son histoire. On contait diversement les aventures de la jeune orpheline, on la croyait née en Amérique, et par cette raison on ne la désignait que sous le nom de la belle indienne. Madame de Noyant avait de nouveau conduit sa pupille chez Scarron, où son apparition produisit une sensation toute différente de la première. Scarron, naturellement bon, fut touché de la triste position de la jeune personne, et de ce qu'elle avait à souffrir des duretés de Madame de Noyant. Voulant la soustraire à la dépendance de sa parente, il lui offrit de payer sa dot si elle voulait entrer en religion ou bien de l'épouser, lui faisant sentir qu'en présence de la misère qui la menaçait, il n'y avait pour elle que l'un ou l'autre de ces deux moyens d'échapper au péril où l'exposait une beauté déjà célèbre, l'isolement, l'inexpérience et la séduction. Mademoiselle d'Aubigné ne se sentait pas appelée à l'état religieux, et Madame de Noyant, qui ne cherchait qu'à se débarrasser de sa pupille, l'engagea à accepter la main du poète. Le mariage fut promptement conclu. La célébration eut lieu en mai ou juin 1652. Mademoiselle de Ponce, depuis Madame d'Andicourt, déjà l'amie de Mademoiselle d'Aubigné, lui prêta des habits pour le jour de ses noces. Madame Scarron, d'abord timide, se montra bientôt aimable et spirituelle et donna un nouvel agrément aux réunions qui se faisaient chez son mari. Elle n'abandonna aucune de ses habitudes religieuses et elle savait prendre, malgré son âge, un air de dignité qui, dans sa maison, imposait le respect sans nuire à l'esprit et à la gaieté. Elle rachetait par la grâce de ses manières et par une prévenance empressée et naturelle ce que son maintien avait de réservé. La maison de Scarron ne perdit rien de sa renommée. Madame Scarron en modifia le ton, mais la compagnie n'en fut que meilleure et on devint plus décent sans être moins aimable. Madame Scarron avait un esprit fait pour profiter de celui qu'on prodiguait autour d'elle. Elle achevait de former le sien en réformant celui des autres. Quand son mari souffrait, elle le soignait avec dévouement. Quand il se portait mieux, elle lui servait de secrétaire et souvent de critique ou bien, écolière docile, elle recevait ses leçons. Elle apprit l'italien, l'espagnol et même le latin, et acquit des connaissances variées et solides. Elle faisait les délices de la société qui se rassemblait chez elle. Madame Scarron, dite allemande et réo, est devenue fort aimable et a beaucoup d'esprit. En effet, sa timidité s'étant peu à peu dissipée, elle avait acquis un charme infini de conversation, et tout le monde sait le mot du domestique qui, un jour à table, vint lui dire à l'oreille « Madame, encore une histoire, le rôti nous manque aujourd'hui. » Tout le monde recherchait son amitié. Il y avait surtout quelques dames connues par leur sagesse et leur vertu qui faisaient profession à son égard d'une affection toute particulière. Et Madame Scarron se plaisait à se mettre sous leur protection sans se douter qu'elle serait un jour leur protectrice. Madame de Montchevreuil et Madame Fouquet, entre autres, voulaient sans cesse la voir auprès d'elle et ne pouvaient s'en passer. C'était toutefois dans l'intérieur de sa maison, quoiqu'elle n'y demeurât pas solitaire, que Madame Scarron vivait le plus. On ne la rencontrait ni dans les réunions, ni dans les sociétés qui se multipliaient de toutes parts. Sa jeunesse se passait au pied du lit de son mari malade. Elle lui prodiguait les soins les plus attentifs avec affection et dévouement. Elle était soutenue dans l'accomplissement de cette tâche par la religion et le devoir, deux appuis qui ne lui manquèrent jamais et avec lesquels on peut aborder sans crainte toutes les situations de la vie. Nous avons la preuve de ses sentiments religieux dans une lettre écrite en 1654, c'est-à-dire à l'âge de 19 ans, et la seconde année de son mariage, à une personne qui avait eu des écarts et à laquelle elle donne des conseils qu'on croirait datés de Saint-Cyr. « Donnez-vous à Dieu, lui écrit-elle. Fuyez le monde pour un temps. Monsieur Scarron, qui juge très sainement les choses quand il veut bien les examiner sérieusement, est de mon avis. Adressez-vous à quelque homme de bien qui vous conduira dans les voies du Seigneur. Tout est vanité, tout est affliction d'esprit. L'expérience doit vous l'apprendre. Jetez-vous dans les bras de Dieu. Il n'y a que lui dont on ne se lasse pas et qui ne se lasse jamais de ceux qu'il aime. » Madame Scarron paraît donc déjà telle que se montra plus tard Madame de Maintenon, pieuse et vertueuse. Et c'est cette unité dans sa vie, au milieu des circonstances les plus diverses, qui en fait le mérite et la gloire. Cette époque fut pour elle le premier temps, sinon du bonheur, au moins du repos et de la tranquillité. Quand la santé de Scarron s'affaiblit et qu'il sentit sa fin s'approcher, il dit à Segret, l'un de ses meilleurs amis, « Je mourrai bientôt, je le sens bien. Le seul regret que j'aurai en mourant, c'est de ne pas laisser de bien à ma femme, qui a infiniment de mérite et de qui j'ai tous les sujets imaginables de me louer. » Non seulement il vit approcher la mort avec courage, mais sa gaieté burlesque n'en fut pas vaincue. Le seul moment sérieux qu'il accorda à la mort fut celui où sa femme lui fit remplir ses devoirs religieux, dont il s'acquitta avec foi et respect. Scarron avait toujours été chrétien. Jamais, dans ses écrits ou dans ses plaisanteries, il n'offensa la religion, dont il accomplissait exactement les devoirs. Au moment de mourir, il dit à sa femme avec attendrissement « Je vous prie de vous souvenir quelquefois de moi. Je vous laisse sans bien, la vertu n'en donne pas. Cependant, soyez toujours vertueuse. » Il mourut le 14 octobre 1660, ne laissant à sa veuve que des dettes et quelques amis. Madame Scarron avait alors 25 ans. Sa beauté était dans tout son éclat. Elle était retombée dans un état voisin de la pauvreté, et cependant, elle ne voulut être à charge à personne. Elle se retira au couvent des hospitalières de la place royale, où la maréchale d'Aumont, sa parente, lui prêta une chambre, et où quelques économies qu'elle avait lui suffirent pour les premiers temps. Cette situation précaire de Madame Scarron dura environ un an. L'admiration qu'excitait partout sa conduite parvint jusqu'à la reine-mère, qui, touchée de la vertu et du malheur d'une fille de condition réduite à une aussi grande pauvreté, lui continua la pension qu'elle faisait à son mari en qualité de son malade. Elle n'était que de 1500 livres. La reine la porta à 2000. En recevant ce bienfait de la reine-mère, Madame Scarron écrivit à Madame la maréchale d'Albret qu'il avait chaudement recommandé dans cette circonstance. « Madame, je suis pénétrée du service que vous m'avez rendu, et ce qui me charme de votre procédé, c'est que vous m'avez accordé votre protection sans me l'avoir promise. Je pourrai donc désormais travailler tranquillement à mon salut. J'ai bien promis à Dieu de donner aux pauvres le quart de ma pension. Ces 500 livres de plus que n'avait M. Scarron leur sont dues en bonne morale. » Désormais à l'abri du besoin, Madame Scarron s'était retirée aux Ursulines de la rue Saint-Jacques, son ancien couvent. Là, elle menait une vie simple et modeste, mais non solitaire et triste. Elle y voyait, dit Mademoiselle d'Aumale dans ses mémoires, la meilleure compagnie, et avec sa pension de 2000 livres, elle gouverna si bien ses affaires qu'elle était toujours honnêtement vêtue, quoique fort simplement, car ses habits n'étaient que d'étamines du lude fort à la mode dans ce temps-là pour une personne de médiocre fortune. Elle n'avait que du linge uni, était bien chaussée et avait de très belles jupes. Elle trouvait moyen, sur ses 2000 livres, de s'entretenir ainsi que je viens de le dire, de payer sa pension, celle de sa femme de chambre et ses gages, et elle ne brûlait que de la bougie. Avec cela, elle n'avait encore souvent de l'argent de reste au bout de l'année. Elle n'avait jamais, disait-elle, passé de temps plus heureux. La maréchale d'Albret, qui l'aimait tendrement, aurait désiré qu'elle vînt loger chez elle, mais Madame Scarron préféra le modeste asile du couvent. Toutefois, l'hôtel d'Albret était une des maisons où elle allait le plus souvent. La maréchale d'Albret était une excellente personne et très attachée à la religion. Sa bonté, jointe aux dignités du maréchal et au grand état de sa maison, contribuait à attirer chez elle une compagnie nombreuse et choisie. Madame Scarron rencontrait chez le maréchal d'Albret mesdames de Coulanges, de Lafayette, de Tiange, mademoiselle de Ponce, depuis dame d'Andicourt, la marquise de Sablé et le duc de la Rochefoucauld. La jeune veuve était recherchée par tout ce grand monde et chacun lui donnait des preuves de la confiance que son caractère inspirait. On la consultait, on suivait ses avis, on se fiait à son jugement, on s'en rapportait à la parfaite liberté d'esprit de cette personne dont le calme et l'équilibre n'étaient jamais troublés. Madame Scarron allait passer ordinairement ses étés chez Madame de Montchevreuil. Elle n'oublia jamais cette dame au temps de ses grandeurs. « Car elle eut cela de bon, dit un contemporain, qu'elle aima presque tous ses vieux amis dans tous les temps de sa vie. » Tel était le genre de vie, modeste et doux, que menait alors Madame Scarron au milieu des empressements et des hommages que lui attiraient son esprit et sa beauté, et bien éloignée de se douter de la haute destinée qui l'attendait. La mort de la reine-mère arrivée le 20 janvier 1666 et la perte de sa pension, qui en fut la suite, la laissèrent de nouveau sans ressources. Cet événement ne lui fit pas regretter d'avoir rejeté un riche établissement qu'on lui avait proposé, mais qui ne lui convenait sous aucun autre rapport. « Je le jure en la présence de Dieu, écrivit-elle à la duchesse de Richelieu, quand même j'aurais prévu la mort de la reine, je n'aurais point accepté ce parti, j'aurais respecté mon indigence. Si leur refus était à faire, je le ferais encore, malgré la profonde misère dont il plaît au ciel de m'éprouver. » La duchesse de Richelieu lui ayant offert un asile, elle la remercia en ces termes. « Je vous remercie de tout mon cœur de la retraite que vous m'offrez, mais je suis bien éloigné aujourd'hui de quitter la rue Saint-Jacques. Il n'y a qu'une vie retirée qui puisse me convenir dans la situation où me réduit la mort de la reine. Mon deuil est bien différent de celui de la cour. J'ai à pleurer ma bienfaitrice et mon repos et mon bonheur. » Soit effet ordinaire du malheur, soit blâme du refus qu'elle avait fait de se remarier, sa société se refroidit pour elle. Elle alla voir sans fruit M. Colbert. Elle fit présenter au roi de Placé où l'abbé Testu avait mis toute son éloquence. On ne l'élut seulement pas. Chacun lui offrait sa protection du bout des lèvres. On lui répondait « Je verrai, je parlerai », du ton dont on dit le contraire. « Ah, si j'étais dans la faveur, écrivait-elle le 28 avril 1666, que je traiterais différemment les malheureux. Qu'on doit peu compter sur les hommes. Quand je n'avais besoin de rien, j'aurais tout obtenu. Quand j'ai besoin de tout, tout m'est refusé. » N'espérant plus obtenir en France une existence convenable, Madame Scarron écouta la proposition qu'on lui fit de l'attacher à la princesse de Nemours, qu'elle ait épousé Alphonse VI, roi de Portugal. Tout était disposé pour le voyage. Mais avant de s'expatrier, Madame de Tiange voulait la présenter à sa sœur, Madame de Montespan, dame d'honneur de la reine. Celle-ci l'engagea à rédiger un nouveau placet qu'elle se chargerait de présenter elle-même au roi. « Quoi ? » s'écria Louis XIV. « Encore la veuve Scarron ? » ?»« Sire, repartit la dame d'honneur, il y a longtemps que vous ne devriez plus en entendre parler, et il est étonnant que votre majesté n'ait point encore écouté une femme dont les ancêtres se sont ruinés au service des vôtres. » Monsieur de Villeroy se joignit à Madame de Montespan, et la pension fut rétablie. Écoutons Madame Scarron rendre compte de cet événement à Madame de Chanteloup. « Je n'irai point en Portugal, Madame, lui écrit-elle, c'est une chose décidée. Ces jours passés, Madame de Tiange me présenta à sa sœur, lui disant que j'allais partir pour Lisbonne. « Pour Lisbonne ? » dit-elle, « mais cela est bien loin, il faut rester ici. Albret m'a parlé de vous, et je connais tout votre mérite. » « J'aimerais bien mieux, disais-je en moi-même, qu'elle connût toute ma misère. Je la lui peignis, mais sans me ravaler. Elle m'écoutait avec attention, quoiqu'elle fût à sa toilette. Je lui dis que ma pension était supprimée, que j'avais sollicité en vain M. Colbert, que mes amis avaient en vain présenté des placets au roi, que j'étais obligé de chercher hors de ma patrie une subsistance honnête, que la longueur du voyage ne m'effrayait point, puisque j'avais fait dans mon enfance celui d'Amérique. Enfin, Madame de Lafayette aurait été contente du vrai de mes expressions et de la brièveté de mon récit. Madame de Montespan en parut touchée et m'en demanda le détail dans un mémoire qu'elle se chargea de présenter au roi. Je la remerciai très affectueusement. J'écrivis à la hâte mon placet, et j'en fus aussi contente que si votre abbé, l'abbé Testu, y avait mis tout son esprit. Le roi l'a reçu, dit-on, avec bonté. Peut-être que la main qu'il a offert l'aura rendu agréable. Monsieur de Villeroy s'est joint à elle. Enfin, ma pension est rétablie sur le même pied que la feu reine me l'avait accordée. 2000 livres. C'est plus qu'il n'en faut pour ma solitude et pour mon salut. Madame Scarron, présentée par sa bienfaitrice, vint témoigner sa reconnaissance à Louis XIV, qui, joignant la grâce au bienfait, lui dit « Madame, je vous ai fait attendre longtemps, mais j'étais jaloux de vos amis. J'ai voulu avoir seul ce mérite auprès de vous. »